dire à moi seule, je t'aime. Vouloir former avec moi un tout, ai-je pour quelqu'un imprégné des lieux tellement, tellement. Je ne puisse les voir et retourner sans penser à moi, que je sois tellement présente dans mon absence, qu'il me voit partout jusque dans ses rêves. Aimer, être aimé, était pour moi le plus important. Maintenant, j'apprends à vivre avec ou sans.